Retrouvailles. Personnages. Virgile Blondeau, dit Cudonc, mère de Chambotte, 58 ans. Narcisse Cassard, dit Pot de Cab, adjoint, 57 ans. Phrasie ou Euphrasie, femme de Cudonc. Adèle, femme de Pot de Cab. Pierre, fils de Cudonc, 14 ans. La scène se passe chez le maire de Chambotte, village de 127 habitants. On est dans la chambre du poêle, c'est-à-dire la salle à manger d'une maison de paysans. À gauche de la fenêtre, un grand lit à rideaux de cretonne. À droite de la porte d'entrée, un poêle de fonte allumé. Des chaises sont alignées le long du mur de chaque côté d'un buffet, large et haut. Gravures diverses. Chromos de chasse et de gibier. Un portrait de Gambetta encadré. Un autre cadre, Dieu seul. Au centre de la pièce, une table chargée de restes de victuailles, de bouteilles vides, de tailles et de formes variées. Une lampe à pétrole est allumée. La porte de la cuisine est entr'ouverte. On entend, par instant, des bruits de vaisselle. Face à face, à table, Cudonc et Pot de Cab achèvent de dîner. Ils ont déjà déjeuné ensemble et ont bu passablement. Ils parlent lentement et d'une voix pâteuse. Cudonc, trinquant. À la tienne, mon vieux. Comment le trouves-tu? C'est de ma dernière vendange. Ça sent, il gratte encore un peu, mais il a un de ses bouquets. Avec quelques années de bouteille, ça fera un crâne vin. C'est du gevrey. Il boit, fait claquer sa langue contre son palais, puis la passe sur ses moustaches, apparemment pour les essuyer ou ne rien laisser perdre. Pot de Cab. À la tienne. Ma foi non, il n'est pas mauvais. Et à la santé de l'habillé de soie qu'on a saigné aujourd'hui. À propos, combien faisait-il ton cochon? Cudonc. 223 livres de viande. Crois-tu qu'il avait profité? Je l'avais acheté à la foire de la Saint-Pierre, mais c'était un gaillard qui avait bonne bouche. Il mangeait de tout, des pommes de terre, du son, des gaudes, de l'herbe, de l'eau de vaisselle, des orties. Ma parole, on lui aurait servi de la chose qu'il en aurait bouffé. Et t'as vu la viande? Belle et franche. C'est pas comme ces espèces de crevures qui ne savent pas sur quoi mordre. Pot de Cab. Pour ça, oui, t'en as de la veine. Et nos femmes avaient joliment réussi le boudin. Je m'en suis foutu une bosse à midi. C'est clair, Dubois m'avait sérieusement aiguisé les dents. Cudonc. T'en as donc encore? Pot de Cab. Chineur, va. C'est façon de dire, tu comprends. Plus que quelques chicots jaunis par la chic qui monte la garde sur mes gencives. Mais le coffre est bon. Il se frappe sur la poitrine. Cudonc. C'est le bon vin qui nous conserve. On dira ce qu'on voudra, mais de notre temps, on voyait tout de même des lurons autrement solides qu'au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si les jeunes gens, à nos âges, seront conservés comme nous, avec toute leur saloperie d'absinthe et de petits verres qu'ils s'enfilent en place de vin. Pot de Cab convaincu. Et on est encore gaillard, tu sais. Cudonc. Chut, chut, mon vieux, voici nos femmes. Ils boivent. Adèle, Phrasie et Pierre entrent. Adèle à Pot de Cab. Eh bien, Narcisse, es-tu prêt? Tu sais qu'il est passé 11 heures. Notre Jeanne dort sur sa chaise à la cuisine. Faudra clairer les bêtes, t'en viens-tu? Pot de Cab qui se trouve bien et qui n'est pas pressé. Ah! Cudonc qu'il est encore moins. Déjà? Vous êtes bien pressé ce soir. Nous n'avons pas encore seulement eu le temps de parler du budget additionnel. Adèle, étonnée ou en ayant l'air. Comment, vous n'avez pas eu le temps? Mais vous êtes mis à table à midi sonnant et vous n'en avez pas bougé depuis. Ça fait bientôt un tour d'horloge. Pot de Cab, digne. Je te demande bien pardon, la bourgeoise, mais nous sommes sortis vers 5 heures pour pisser un coup et aller boire la bière chez l'ami Humbert. Adèle. C'est possible, mais enfin, à table ici ou à table à l'auberge, c'est toujours à table. Cudonc. Vous ne comprenez rien à la politique. N'essayez pas de discuter avec nous, vous avez tort. D'ailleurs, c'est pas tous les jours que Pot de Cab m'amène mes fagots de la coupe. Ça n'est qu'une fois l'an, le jour qu'on saigne le cochon. Des amis de toujours, comme lui et moi, on ne peut pas se quitter comme ça. On aurait l'air de quoi? Peau de câble ? Insistant. Pour une fois, tu peux bien clairer les bêtes toutes seules. Cudonte. Si vous avez peur, Pierre vous reconduira. Peau de câble. Et puis t'as pas besoin de moi au lit aujourd'hui. Adèle. Pas plus aujourd'hui qu'hier, ni que demain. Oh non, vraiment, pour ce que tu... Peau de câble se rebiffant. Dis donc, mais encore la semaine passée. Qui c'est qui ? Deux fois. Adèle coupant la phrase. Pierre, mon petit, va vite allumer la lanterne, tu nous reconduiras. Pierre sort. À son mari, moitié grondeuse, moitié riante. T'as pas honte de dire des choses comme ça devant des enfants ? Cudonte et grillard. Hé hé, ah, vous filez ? C'est bien dommage, on allait tout savoir. Adèle souriant. Vous n'auriez pas su grand-chose. Allons, bonsoir. Elle tend la main à Cudonte. À son mari. Surtout Narcisse, bois pas trop de kirsch. Tu sais que ça te joue le tour chaque fois et que ça te fiche la pituite et la tête de bois. Peau de câble se frappant la poitrine. Le coffret est bon. Les femmes se retournent. Phrasie. Tu vois, je te l'avais bien dit, ils ne sont pas pressés. Adèle. J'en étais sûre. Tous les ans, c'est la même histoire. Mais du moment que je sais où il est, je ne suis pas en souci. Il va rentrer encore comme l'année dernière, à point d'heure. Phrasie appelant. T'es prêt, Pierre ? Pierre, la lanterne à la main, entr'ouvrant la porte. Voilà, voilà. Phrasie et Adèle sortent. On entend la porte du dehors claquer et des adieux échangés. Bonsoir, bonne nuit, merci, de même. Cudonte, qui vient de vider son verre, appelant. Phrasie ! Phrasie entrant. Quoi, vous voulez que je vous serve le café ? Cudonte conciliant. Oui, oui. C'est-à-dire, non, avant de nous le verser, tu serais bien gentille de nous monter une bouteille de vin d'Arbois. Tu sais, dans la troisième caisse, au fond, à gauche. Phrasie. Bon, bon, je connais. Mais c'est tout, tu sais. Je ne veux pas redescendre encore une fois à la cave, parce que je suis fatiguée, moi. Et quand je vous aurai servi le café et la goutte, je vais monter me coucher. Vous vous arrangerez à votre idée, plus de temps que je suis sur mes jambes. Cudonte. Oui, oui, va toujours. À son ami. C'est de l'année où nous avons été élus du conseil municipal, la première fois. Il y a eu 17 ans au mois de mai, mon vieux. Tu te souviens ? Peau de câble, l'air convaincu. Si je me rappelle, quelle cuite nous avons prise ! Phrasie, rentrant, la bouteille à la main. V'là votre bouteille. C'est pas pour vous reprocher le vin ni la pitance, mais il me semble que vous en avez bientôt assez. Cudonte, les yeux sur la bouteille. Doucement, doucement. Le bon vin, c'est le contraire des femmes. Ça doit pas être secoué. Aphrasie qui le regarde. Va préparer ton café. Il débouche sa bouteille avec précaution et gravité. Peau de câble. Il faudra que tu viennes goûter ma vendange un de ces jours. Dimanche, si tu veux, on encannera la feuillette. Cudonte, pris tout entier par son opération. Il n'a pas entendu l'offre de son ami et revient à sa première idée. Par une voix de majorité, hein? Nous l'avons frisé, la veste, et nous en devions avoir trois. Il est vrai que depuis, on n'a jamais lâché la rampe et que nous sommes toi, adjoint, et moi, maire de Chambotte, jusqu'au jour où nous graisserons nos bottes pour aller voir le Père éternel. Ils boivent. Peau de câble. Oui, trois voix. Ce salaud de Picon qui nous a trahis au dernier moment. Un cochon à qui je prêtais mes bœufs, mon cheval et ma voiture, chaque fois qu'il en avait besoin. Et il y avait 8 jours que je lui rinçais la gueule. Cudonte, philosophe, qui a des gens vaches au monde. Et tu y as reprêté tout de même ton attelage ? Peau de câble. Qu'est-ce que tu veux ? Il s'en est venu un soir pleurer dans mon gilet, me demander pardon. Cudonte. J'y aurais foutu mon pied au derrière. Peau de câble. T'aurais fait comme moi. Moi, je peux pas voir un homme pleurer. J'y ai dit, c'est bon. Fous-moi la paix et ne recommence plus, sans quoi. Il se passe l'index sous le nez et manque de tomber. Bernic pourra voir les voitures et le calando. Cudonte. Il y avait aussi Longue qu'avait juré de bien faire. Le dieu des ivrognes à son âme. Mais les blancs nous l'ont attrapé le samedi soir et l'ont tellement saoulé qu'il ne s'est réveillé que 5 minutes après la clôture du scrutin. Peau de câble. Heureusement que j'ai pu tenir Batiti. Je l'ai pas lâché celui-là jusqu'à ce qu'il ait mis son bulletin dans le trou. Sans quoi on était roulé. Cudonte. Ah, tout ça ne nous rajeunit pas, mon vieux. Podcap se refrappant la poitrine avec effort. Le coffre est bon. Ils trinquent, boivent, balbutient encore quelques phrases vagues, puis se taisent. Les fronts s'inclinent, les yeux se ferment, se rouvrent, se referment. Ils font des efforts pour lutter contre le sommeil, puis, vaincus, s'endorment. Pierre, rentrant et passant la tête par l'entrebâillement de la porte, « Tiens, ils dorment !» à sa mère. « Dis-moi, je crois qu'ils sont en train de pioncer. Faut-il les réveiller pour que tu leur verses le café ?» Phrasie apparaissant. « Non, non, laisse-les. Je m'en doutais bien. Mais je croyais pas que ça viendrait si tôt. Ils n'ont pas assez bu. » Elle se retourne. « Pierre !» « Aïe !» Phrasie. « Quoi ?» Pierre. « C'est mon père qui vient de reverser son verre en remuant le bras. » Phrasie. « Serre vite les bouteilles et ne laisse pas les verres trop près de leurs coudes. S'ils bougeaient encore, ils me casseraient toute ma vaisselle. » Pierre range les bouteilles dans un coin. Sa mère s'avance dans la pièce et contemple les deux hommes endormis. Pierre. « Man, faut pas les laisser dormir comme ça. Ils sont pas à leur aise. » Phrasie pratique. « Justement, ils se réveilleront plus tôt et ils iront se coucher tout seuls. Tu sais bien comme c'est difficile de faire se déshabiller ton père quand il est saoul. Allons-nous coucher. » Pierre. « Si tu veux, Man, je vais attendre un peu à la cuisine et je leur verserai le café quand ils se réveilleront. » Ils sortent. Le rideau tombe. Le rideau se relève. Même décor. La lampe a baissé, la pièce est un peu assombrie. Podcab et Cudonte sont affalés, l'un en accordéon sur sa chaise, l'autre sur la table, la tête entre les bras. Une bouteille renversée malgré les précautions de Pierre a taché la nappe. Silence. Le maire, Cudonte, lève lentement la tête et ouvre les yeux. Il se passe la main sur le front, se gratte l'oreille, se frotte les paupières, s'étend et par mégarde fiche un coup de poing dans une assiette. Le bruit réveille Podcab, dont ne sait quel rêve. Il se roidit et fronce les sourcils, comme pour fixer ses souvenirs. Cudonte regarde autour de lui dans la pénombre, ne reconnaît rien, ne se souvient de rien. Soudain, il aperçoit en face de lui Podcab, qui le regarde d'un air ahuri. Il se fixe anxieusement, se gratte la tête, se passe la main sur les sourcils, très intrigué par leur présence l'un en face de l'autre, dans ce lieu inconnu. Cudonte parla enfin. Dites donc, l'homme, mais il me semble que je vous connais. Podcab, aussi intrigué. C'est comme moi. Puis une demi-heure, je me dis, voilà une physionomie qui ne m'est pas inconnue. Cudonte. Oui, sûrement. Où diable avons-nous pu nous rencontrer? Nous avons déjà dû boire un verre ensemble quelque part. Podcab. Ne serait-ce pas à la foire de Versailles, chez la Bleue? Ou chez une autre, parce que, vous savez, moi, je suis bien avec tout le monde, et pour pas faire de jaloux, je vais chez tous les aubergistes. Cudonte. Tiens, nous avons les mêmes idées. Mais c'est pas impossible qu'on se soit vu là-bas. Je ne passe jamais une foire sans entrer chez elle. Comprenez, une vieille connaissance, et pour faire un civet, il y a qu'elle. Podcab. Oui, j'ai pu vous voir là, mais pour sûr que je vous ai encore rencontré ailleurs. « Quelle classe êtes-vous ? » Cudonte. « De la classe 72. J'ai fait mes 5 ans ou 35 à Belfort. » Podcab, la bouche ouverte. « Pas possible. Mais moi aussi. Ah, bon Dieu ! Comment on se retrouve sans s'y attendre ? Un vieux camarade de régiment. » Il veut se lever et fait le geste de tendre la main à Cudonte, mais retombe lourdement sur son siège. « Ah, vous étiez au 35 ? Moi, j'étais à la 3e du 1. » Cudonte. Moi, j'étais à la 2e. Alors, vous avez connu Vivard? Le juteux Vivard. Quelle vache, hein? Vous souvenez-vous comme il visait les hommes pour des riens? Podcab. Ah, si je me souviens. Le salaud. Mais c'était le bon temps tout de même. On était jeunes. Hein, les caboulots de la vieille ville. Et la rue de la Grande Fontaine. Les boîtes en dessous du château. Et la Grande Carmen. Cudonte. Oh, vous l'avez connu, vous aussi? Ah, c'est épatant, dire que j'ai revu presque tous mes anciens camarades de régiment, et que vous, je vous remets pas. Podcab. C'est cependant vrai. Pourtant, nom de Dieu, je vous connais quand même. Cudon. Moi aussi. Vous allez dire peut-être que je suis bien curieux, mais enfin, là. D'où êtes-vous? Podcab. De Chambotte. Je suis l'adjoint de Chambotte. Cassard, on m'appelle Podcab. Cudont, levant les bras, ahuri. De Chambotte? Vous êtes de Chambotte? Mais nom de Dieu, moi aussi je suis de Chambotte. Je suis le maire de Chambotte, Virgile Blondeau, Cudont. Podcab. C'est toi? Mais, sacre Dieu, oui, c'est foutre vrai. Il me semblait bien aussi que je te connaissais. On ne voit pas clair non plus dans cette boîte. C'est bien toi? Cudont. Pour sûr que c'est bien moi. On m'a pas changé en nourrice, puisque c'est ma mère qui m'a donné à téter. Ah ben non de nom, celle-là, elle est forte. Podcab. Mais nous sommes... Il regarde autour de lui. Nous sommes chez toi? Je me disais bien aussi que je connaissais cette maison. Ce vieux Gambetta, montrant le portrait d'un air attendri. Des républicains comme ça, on n'en fait plus. Cudont. Ah, ma vieille branche, ce que je suis content tout de même que ce soit à toi qui sois là et de te retrouver comme ça. Podcab. Et moi donc, mon vieux, pour une veine, c'est une veine. Et toujours bien portant, tu sais. Le coffre est bon. Il se frappe sur la poitrine. Cudont. On va pas se quitter comme ça. Il appelle. Frasi, nom de Dieu! Pierre se réveillant à la cuisine et apparaissant. Ah, vous voilà réveillé tout de même! Cudon, tes pots de cab, ensemble. Réveillé? Pierre. Bien sûr, puisque vous dormiez. Cudon, tes pots de cab. Dormiez? Pierre. Oui, vous ne vous en êtes pas aperçu? Cudon, père et maître. Qu'est-ce que tu chantes, morveux? Je viens de retrouver mon ami Podcab et on va boire un verre. Pierre. Comment retrouver? Mais vous avez passé toute la journée ensemble et toute la nuit. Cassara a amené les fagots et on a saigné le cochon. Vous ne vous en souvenez pas? Podcab et Cudont se frottent la tête et se regardent un peu gênés devant le sourire de Pierre. Ils se taisent, puis Cudont à son ami. Que ça soit comme ça ou pas, après tout, je m'en fous. Mais de t'avoir retrouvé, moi, ça me fait plaisir. Ça m'a remué le cœur et séché le gosier, vrai. J'ai eu une sacrée émotion quand tu m'as dit que t'avais fait ton temps au 35. Podcab. Il me semble que je boirais bien un coup tout de même. Pierre. Je vais vous servir le café. Cudont. Oui, oui. C'est-à-dire, non. Avant de le verser, va donc à la cave nous chercher une vieille bouteille d'Arbois. Rideau.